Chapitre 17. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux vers le ciel et dit, Père, l'heure est venue. Donne gloire à ton Fils, afin que le Fils te donne aussi gloire. Car tu lui as donné le pouvoir sur tous les hommes, pour qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. La vie éternelle consiste pour eux à te connaître, toi le seul véritable Dieu, et à connaître Jésus-Christ que tu as envoyé. J'ai manifesté ta gloire sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Maintenant donc, Père, donne-moi en ta présence la gloire que j'avais déjà auprès de toi avant que le monde existe. Je t'ai fait connaître aux hommes que tu as tirés du monde pour me les donner. Ils t'appartenaient, tu me les as donnés et ils ont obéi à ta parole. Ils savent maintenant que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données et ils les ont reçues. Ils ont reconnu que je suis vraiment venu de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. Je te prie pour eux. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, car ils t'appartiennent. Tout ce que j'ai est à toi, et tout ce que tu as est à moi, et ma gloire apparaît en eux. Je ne suis plus dans le monde, mais eux sont dans le monde. Moi je vais à toi. Père Saint, garde-les par le pouvoir de ton nom, le nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme toi et moi, nous sommes un. Pendant que j'étais avec eux, je les gardais par le pouvoir de ton nom, le nom que tu m'as donné. Je les ai protégés et aucun d'eux ne s'est perdu, à part celui qui devait se perdre pour que l'Écriture s'accomplisse. Mais maintenant je vais à toi, et je parle ainsi pendant que je suis encore dans le monde, afin qu'ils aient en eux-mêmes ma joie, une joie complète. Je leur ai donné ta parole. Et le monde les a haïs parce qu'ils n'appartiennent pas au monde, comme moi je n'appartiens pas au monde. Je ne te prie pas de les retirer du monde, mais de les garder du mauvais. Ils n'appartiennent pas au monde, comme moi je n'appartiens pas au monde. Fais qu'ils soient entièrement à toi, par le moyen de la vérité. Ta parole est la vérité. Je les ai envoyés dans le monde comme tu m'as envoyé dans le monde. Je m'offre entièrement à toi pour eux, afin qu'eux aussi soient vraiment à toi. Je ne prie pas seulement pour eux, mais aussi pour ceux qui croiront en moi à cause de leur prédication. Je prie pour que tous soient un. Père, qu'ils soient unis à nous, comme toi tu es en moi et moi en toi. Qu'ils soient un pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un, comme toi et moi nous sommes un, moi en eux et toi en moi, pour qu'ils soient parfaitement un et que le monde reconnaisse ainsi que tu m'as envoyé, et que tu les aimes comme tu m'aimes. Père, tu me les as donnés. Et je désire qu'ils soient avec moi là où je serai, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant que le monde soit fait. Père juste, le monde ne te connaît pas, mais moi je te connais, et eux savent que tu m'as envoyé. Je t'ai fait connaître à eux et je te ferai encore connaître, afin que l'amour que tu as pour moi soit en eux, et que je sois moi-même en eux.